Et auditeurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz, émission également disponible à partir de son blog asile35.blogspot.fr avec les podcasts, les playlists et tout et tout. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro estival consacré au label de l'été et cette semaine destination très très exotique après l'Italie, la Norvège, la Belgique et la Pologne. Je propose de vous rendre à la Garenne-Colombes, Hauts-de-Seine. C'est le fief du musicien Jean-Marc Foussa, improvisateur électroacousticien très actif sur les scènes parallèles depuis au moins 30 ans. Il a commencé au début des années 70. On a surtout des traces discographiques de son travail à partir des années 80. Et depuis à peu près 4-5 ans, il se consacre à un label d'autoproduction qui s'appelle Fou Records, qui est distribué par différents distributeurs tels que Metamkin, et ça lui permet de produire à la fois sa musique et la musique de ses camarades. Et on va consacrer l'intégralité de cette émission à ce label au nom prédestiné pour une spéciale L'Asile le plus sûr, Fou Records. On va attaquer avec la préhistoire de Fou Records, on pourrait dire. Il s'agit de sa première marque discographique avec laquelle il avait sorti son premier opus en vinyle en 1983 sous le titre Abattage, le label Pyjama Records, puisque c'est aussi le nom de son studio à la Garenne-Colombes, studio mobile puisqu'il enregistre aussi beaucoup à l'extérieur et beaucoup de sessions improvisées. Je propose d'attaquer avec un extrait de cet Abattage, donc des pièces de 1981 qui apparemment devraient peut-être sortir un jour ou un autre sur l'excellent label Le Souffle Continue Records. Petite séquence de Pyjama et on enchaînera bien évidemment avec Fou Records. On écoute la série de titres Hontes, Inquiétudes par Jean-Marc Foussa, extrait de cet Abattage. Thank you. Ouais, c'est peut-être toi. Thank you. un petit aperçu des talents du musicien fric Jean-Marc Foussa, à l'honneur dans les îles le plus sûres avec son label Fou Records cette semaine. On a entendu tout d'abord un extrait de Abattage, qui est son disque fameux enregistré à l'époque au début des années 80, à l'époque où il pratiquait encore la guitare mélangée aux synthés analogiques, qui sont vraiment son instrument de prédilection depuis les années 70. Les synthés AKS de marque EMS ou encore le VCS3 et puis pas mal de dispositifs de générateurs de fréquences. On a entendu donc tout d'abord cette pièce, un extrait de cet Abattage qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur la fameuse compilation Spalax 30 ans d'agitation musicale en France. Et on a enchaîné avec le disque qu'il a sorti, peut-être l'une des premières références de son label Fou Records, l'album L'Oiseau, album entièrement tout seul, d'ailleurs dédié à la mémoire de son fils qui venait de disparaître à l'âge de 27 ans. Et donc une référence sortie conjointement en vinyle et en CD avec trois pièces, deux longues pièces ainsi qu'un poème de la patte de son fils d'ailleurs, L'Oiseau aux plumes bariolées. Très très beau disque vinyle de Jean-Marc Foussa qui nous avait un peu mis la puce à l'oreille sur le fait qu'on allait beaucoup entendre parler de Fou Records dans les mois suivants, et effectivement pas mal de disques s'en sont suivis. Alors il faut le dire que Jean-Marc Foussa a une carrière et une activité assez débordante depuis le début des années 80, notamment comme ingé son de quantité de musiciens improvisateurs un peu partout en France et aussi à l'étranger, mais il n'a passé le pas que dans les années 90 et années 2000 à s'autoproduire. Il avait commencé avec un premier CD en tirage assez confidentiel de son projet Marteau Rouge aux côtés du guitariste Jean-François Pauvros et du batteur Makoto Sato, un disque qu'il a d'ailleurs réédité en vinyle. C'était la première référence de ce label au nom assez prédestiné Fou Records. Et donc il avait commencé surtout à s'en occuper à partir de 2012 avec une série de disques à un rythme assez soutenu, à peu près 4-5 disques par an. Et je propose d'enchaîner avec une référence sortie l'année suivante, en 2013, où on le retrouve aux côtés du batteur et improvisateur émérite Ramon Lopez, qui a joué avec à peu près tout ce qui bouge dans la stratosphère des musiques improvisés. Il avait rejoint les studios Pyjama de la Garenne Colombe pour une session d'improvisation les 22 et 23 septembre 2012. Je propose d'écouter un extrait de ce CD sorti aux éditions Fou Records. Le disque s'intitule Sa Barbarla et je propose d'écouter le titre qui referme cet opus. Tout est ouvert par Ramon Lopez et Jean-Marc Foussa. Oh! prévenu que c'était un label de malade, Fou Records. On a démarré avec Jean-Marc Foussa, donc le proprio, en compagnie de Ramon Lopez, avec un extrait du disque Sa Barbarla. Et on a enchaîné avec un autre duo aux côtés d'un plus jeune confrère, lui aussi électronicien d'ailleurs, qui joue dans le duo Helvet Rum. Il s'agit de Simon Enoch, qui était à la guitare électrique pour cette session qui avait été enregistrée là encore à la Garenne Colombe au mois de décembre 2013. Les deux disques datent de la même époque. Ils sont sortis début 2014, tous deux conjointement en digipack assez chouette, avec très belles pochettes et pas mal d'iconographie comme toujours, et aussi des photos d'ailleurs de Nopal. Donc deux pièces de 20 minutes, souvent des pièces très très longues pour les enregistrements discographiques improvisés de Jean-Marc Foussa, qui joue toujours de l'électronique assez mutante avec beaucoup de blip et de blop. Une autre rencontre, et pas des moindres, puisque c'est quelqu'un avec lequel il joue sur scène et improvise aussi en studio depuis des années. Il s'agit du saxophoniste trop méconnu d'ailleurs, Sylvain Guérineau, qu'il a rencontré au milieu des années 2000 et avec lequel il se produit régulièrement. Un duo donc sax et électronique à Liquid. Ensemble, ils avaient sorti un premier disque sur Léo Records et puis un second aussi aux éditions Najas Phone sous le titre Kriegspiel, qui était sorti en 2013. Et en 2014, ils avaient remis le couvert avec un nouvel opus aux éditions Fou Records, en compagnie du vétéran et du légendaire saxo-trompettiste Joey McPhee. Alors cette fois-ci, ça ne s'appelait plus Aliquid vu qu'ils étaient à 3, mais Quad. On écoute un extrait de la deuxième pièce, Le corps des larmes, par Sylvain Guérineau, Jean-Marc Foussa et Joey McPhee. Oh,

Vous êtes toujours dans l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz avec cette spéciale autour des activités du label hexagonal Fou Records qui se retrouve souvent en compagnie d'un peu tout ce qui bouge dans l'improvisation européenne et aussi parfois des Américains, aux côtés de Jean-Marc Foussa, le producteur, qui est aussi la personne qui enregistre, qui mixe la voix, j'allais dire, le son de ses camarades instrumentistes dans ses structures, ses propres structures électroniques, souvent pas mal de retraitement des sons acoustiques refiltrés et aussi de la stéréo dans tous les sens. Ça fait souvent des pièces qui font beaucoup penser à l'électroacoustique. Parfois on dirait du Terry Riley de la grande époque, à l'image de la première séquence qu'on entendait, où on retrouvait les deux saxophonistes Sylvain Guérino et Joué McPhee passer à la broyeuse de Jean-Marc Foussa sur ce disque Quad qui était sorti aux éditions Fou Records au début de l'année 2014. Puis on a enchaîné avec un trio dans lequel on retrouvait l'accordéoniste vétéran Claude Parle. On le connaît surtout pour ses activités aux côtés de Jacques Bérocal depuis les années 70. Et ils étaient rejoints par le joueur de crin-crin Jao Camoès à l'alto. Et ce disque bien mental. Alors Jao Camoès, c'est un musicien qu'on connaît assez peu. Il fait partie d'un trio, l'Open Field String Trio, depuis quelques années. Donc beaucoup sur la scène portugaise improvisée et proche du label Clean Feed. D'ailleurs, la subdivision de ce même label, Spuma, a édité cette année un disque en duo entre Jean-Marc Foussa et Jao Camoès sous le titre À la face du ciel, un CD qui est sorti au printemps dernier. Voilà, et donc là il s'agissait du trio bien mental aux côtés de Claude Parle. Jean-Marc Foussa, qui est donc quelqu'un qui enregistre beaucoup les improvisateurs depuis 30 à 40 ans et principalement depuis sa découverte de ses scènes improvisées au début des années 80. Il a fait partie de l'aventure du club jazz Le Dunois à Paris, avec lequel il a beaucoup fricoté, beaucoup enregistré de ses improvisateurs qui passaient par la capitale, improvisateurs de la scène européenne. Je pense notamment aux Britanniques Derek Bailey, Lol Coxil, Tony Co, un peu toute cette scène autour des Residents et Steve Beresford. Bien évidemment, Fred Friis et Tom Cora étaient passés par là, Jack Bérocal, Catalogue avait joué aussi, et puis quantité d'autres musiciens tels que Steve Lacy. Je ne vais pas vous les faire tous, en tout cas c'était un club qui a beaucoup compté dans l'histoire des musiques improvisées en France entre le début des années 80 et l'année 87 ou 88. Et Jean-Marc Foussa était avec son micro et son studio d'enregistrement mobile pour capter pas mal de ce qui se passait au Dunois, et il a commencé ces dernières années à ressortir ses vieilles bandes sur son label Fou Records, notamment un excellent quartet qui avait joué en 1982 au 28 de la rue Dunois, qui réunissait le guitariste Derek Bailey, la contrebassiste Joël Léandre, le tromboniste George Lewis, et Evan Parker était au saxophone. Ce disque aux éditions Fou Records en 2014. Je propose de l'écouter sans plus attendre, la deuxième partie du premier set de cette session de 1982 au 28 rue Dunois. C'est le titre du CD d'ailleurs. Thank you. Thank you. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí. Pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de dura crin, moreno de verde luna, voz de clavel varonil, ¿quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredia, hijos de Benamejí, lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y ese cutis amasado con aceituna y jazmín. ¡Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz! Acuérdate de la Virgen porque te vas a morir. ¡Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil! Y a mi talle se ha quebrado como caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros de rubor cansado encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. Cerca del Guadalquivir, une séquence de l'Asile Plus Sûr. Vous avez pu retrouver Jean-Marc Foussa au potard de ses enregistrements, trois disques enchaînés. Tout d'abord, deux pièces des années 80 à l'époque où il se baladait avec son magnétophone Revox, sa petite table de mixage et ses micros pour capter un peu tout ce qui bougeait dans le domaine des musiques improvisées qui était assez explosive à l'époque. On a attaqué avec une session live du mois de juillet 1982 au 28 rue du Noix entre Derek Bailey, Joël Léandre, George Lewis et Evan Parker, et on a enchaîné avec une session à Angoulême le 18 mai 1980 par le Willem Brucker collectif lors de cet excellent festival. Des pièces qu'on peut retrouver d'ailleurs aussi en partie sur un autre enregistrement en concert de la même époque, In Holland, qui était sorti sur BVHAST Records. 1973 au début des années 80 en double vinyle cette fois, avec un peu les mêmes pièces, ces reprises de Kurt Weill de manière complètement décalée, de même que ces thèmes de la guerre d'Espagne. Et on a terminé avec justement le guitariste gitan Raymond Bonny aux côtés de Violeta Ferrer et ses poèmes de Federico Garcia Lorca, I poemas populares españoles, qui était donc une session qu'avait enregistré Jean-Marc Foussa des poèmes de Monsieur Lorca des années 20 de son recueil Romancero Ritano. Et c'était pour vous donner aussi à voir que Fou Records enregistre également des musiciens, pas uniquement les productions de Jean-Marc Foussa. On va pouvoir s'en rendre compte avec deux productions en CD de l'année 2015 et 2016, dans lesquelles on peut retrouver le clarinettiste Jean-Brice Godet, qui fait aussi partie du projet Bribe, qui avait sorti un disque sous le titre de Trip. Donc aux côtés de Julien Chamla à la batterie et Marco Quaresimi à la contrebasse, mais là je vous propose de l'entendre au sein de Cuir avec cette session enregistrée au studio Pyjama d'un côté et aussi chez Hackenbush de Malakoff. Alors ça doit être un bistrot, je pense, un café-concert à Malakoff les 6 et 7 juillet 2014. Et on le retrouve aux côtés des deux trompettistes Nicolas Souchal et Jérôme Fourquet. Johnny Cuny est au piano préparé et Yoran Rossilio est à la contrebasse. Excellent projet que ce Cuir et le disque que je propose d'écouter sans plus attendre chez Hackenbush. Oh,

l'instant Asile le plus sûr, deux sélections du label Fou Records à qui nous consacrons cette spéciale ce soir et deux projets du clarinettiste Jean-Brice Godet. Tout d'abord l'excellent Cuir et le CD chez Hackenbusch qui nous avait beaucoup plu à l'époque de sa sortie, il y a de ça un an et demi à peu près, et on a enchaîné avec son quartet, le Jean-Brice Godet Quartet, et un disque qui est sorti au printemps dernier sous le titre Mujo. Excellent CD là encore qui permet de retrouver le clarinettiste aux côtés du saxophoniste Michael Attias, qu'on connaît surtout pour le projet Renku qui a sorti des disques aux éditions Clean Feed, le contrebassiste franco-allemand qui vit à New York, Pascal Nickenkemper, qu'on a rencontré aussi par une production Clean Feed Records avec son excellent projet Le 7e Continent, et le 4e Lascar, c'est le batteur Carlo Costa, assez méconnu par chez nous, mais qui fait partie notamment des projets du joueur de crin-crin Franz Loriot et son systématique Distorsion Orchestra. Excellent CD donc ce Jean-Brice Godet Quartet, et pour la première fois un disque qui n'a pas été enregistré ni mixé par monsieur Jean-Marc Foussa, il est juste à la production. On va continuer avec cette fois-ci la musique du maestro lui-même en compagnie de Maria Luisa Capurzo, qui est une Italienne qui vit à Berlin, qui a beaucoup travaillé aux côtés notamment de Carlo Zingaro, de Carl Berger, de William Parker, Ken Carter, David Moss. Elle a beaucoup chanté et improvisé aux côtés d'à peu près tout ce qui bouge dans le domaine des musiques contemporaines et improvisées. Et depuis quelques années, elle collabore aux côtés de Jean-Marc Foussa pour pas mal de sessions en concert, également des sessions dans son studio Pyjama de la Garenne Colombes. Là, je vous propose de les entendre avec le dernier CD sorti par les éditions Fou Records. Il s'agit d'un live dans un club berlinois qui répond au nom de Pop Der Laden. Ça a été enregistré au mois de février 2016, le 19 février très exactement, et ça fait partie d'un ensemble qui s'intitule En Respirant. On écoute Jean-Marc Foussa et Maria Luisa Capurzo. Oh.

Marc Foussa dans ses œuvres avec toute sa lutherie électronique, sa voix, ses appos, ses guimbardes et son esprit ultra-fric. On l'a entendu tout d'abord aux côtés de son alter ego, l'italo-berlinoise Maria Luisa Capurso, qui elle aussi pratique l'électronique et la voix sur le disque En Respirant, qui était une session enregistrée en concert à Berlin en février, qui a été éditée un petit peu avant l'été. Et on a enchaîné avec une pièce du mois d'août 2014 qu'on retrouve sur le bandcamp de Fou Records, Jean-Marc Foussa, une session qui n'est pas parue en disque, uniquement en téléchargement en digital, avec donc ce titre « Il n'est pas encore bien propre ». Et c'est vrai que la musique est totalement impropre, cette façon de jouer du synthétiseur VCS3, de la guimbarde, des instruments jouets mélangés à la voix du maestro. Pas mal de choses à écouter sur les différents sites de Jean-Marc Foussa et de Fou Records, des titres à télécharger gratuitement sur le site free de Fou Records. Je vous mettrai ça d'ailleurs en partage à partir du blog de l'émission asile35.blogspot.fr, où vous pouvez retrouver l'intégralité de la playlist et aussi le podcast. On va se terminer avec un dernier titre, cette fois-ci non pas extrait d'un disque de Fou Records, mais d'un label ami. C'est vrai que Jean-Marc Foussa commence à se faire un petit nom dans la profession. Notamment, il y avait eu un triple CD aux éditions Improvising Beings l'an dernier, qui retraçait un peu toute la carrière de ce monsieur à partir de 1973. Il y a eu aussi un disque aux éditions Kai Records qui est sorti un peu avant l'été aux côtés du guitariste Raymond Bonny et du saxophoniste Joey McPhee. Mais là, je propose de l'entendre sur l'excellente marque égypto-algérienne basée au Caire, Najashphone, qui avait déjà sorti un disque de Jean-Marc Foussa aux côtés de Sylvain Guérino, le projet Aliquid. Et Najashphone vient de récidiver avec le projet 599 aux côtés du jeune guitariste Augustin Broussoulou, qui joue aussi du sax alto, qui est âgé de 17 ans. Figurez-vous qu'il a commencé à 8-9 ans à improviser à peu près avec tout ce qui bouge dans la stratosphère improvisée, notamment le guitariste Noël Akchoté. Et donc c'était tout naturel qu'il rejoigne les rangs de Fou Records et de Jean-Marc Foussa. Je propose d'écouter, pour terminer cette émission, un extrait de ce projet 599 et ce vinyle sous le titre « Heureusement que le sang sèche vite ». On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures discographiques avec une nouvelle spéciale autour d'un label dont je vous laisse la surprise. Bonne nuit, très belle semaine et à bientôt. Ha ha ha.